un préalable au voyage transtemporel. Bon, Daniel, donc quand on parle de mutation, ça fait déjà un certain temps que tu parles de mutation. Bibitte. Oui, mais justement, pour ne pas devenir des bibittes, là, on a des idées de mutation par la radioactivité suite à... Tu as déjà vu le film La Mouche? Oui, justement, c'est ce que je pensais exactement, c'est pas le genre de mutation. C'est ça qu'un brontosaure. Oui, mi-homme, mi-brontosaure, là. Coûte très cher chez McDonald's. Mais alors, c'est pas ce genre de mutation-là, donc, qu'on parle pour le voyager dans le temps. La mutation, on pourrait dire positive là, pour voyager dans le temps, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau vraiment là, corporel, physique? Qu'est-ce que c'est la mutation? Bon, on va laisser faire le corporel et le physique pour l'instant. C'est le dernier véhicule qui va muter. Les mutations physiques vont être neuroniques, vont être endocriniennes, puis on peut en reparler un peu. Mais ça va être au départ des mutations au niveau de la conscience humaine, donc des mutations au niveau psychologique, des mutations au niveau émotif. Ça veut dire que, là, au départ, ce qui va muter chez l'humain, mutation, c'est un changement radical qui reste. Bon, évidemment, la seule façon d'éliminer la mutation, c'est une contre-mutation ou une autre mutation. Okay? Qui alors, peut arriver? Si dans notre cheminement, ça peut arriver? Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, l'être humain est constitué de différentes mécaniques, assujetties à des lois. La mutation psychologique fait en sorte, au départ, que l'humain se désassujettit de certaines des lois. Il y a des personnes qui ne peuvent faire autrement que d'être colérique. Nécessairement, la colère peut avoir un départ au niveau physique. La colère peut avoir aussi sa source au niveau de la psychologie. Si c'est au niveau physique, ça va venir nécessairement à altérer la psychologie. Si c'est au niveau psychologique, ça vient s'inscrire dans le corps physique. La mutation de, si par exemple une personne est colérique et que c'est psychologique, la mutation de ces schémas psychologiques va faire en sorte qu'à un moment donné, les personnes ne seront plus colériques. Et là ici, si on parle mutation, évidemment on ne parle pas de mutation à la Tchernobyl. La vie, c'est un très grand muteur, ça crée des mutations. Et la vie, ça comprend la vie physique, ça comprend la vie vitale, ça comprend la vie astrale, donc psychologique, psycho-émotive, ça comprend les désirs là-dedans, ça comprend la vie mentale, ça comprend la vie supramentale, donc au niveau de l'intelligence, ça comprend évidemment l'événementiel, ça comprend les glissements latéraux dans le temps, ça comprend donc, plein de choses, la mécanique réincarnationnelle, ça comprend réincarnation du futur ou du passé ou des homochrones, donc une réincarnation de mécanique extérieure. Bon, la vie, c'est un muteur, c'est un grand muteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont l'être humain vit, constate le monde... Bon, au départ, il faut évidemment aller fouiller loin pour parler de mutation. Il faut comprendre que vous habitez un véhicule. Un véhicule. Le véhicule, il est construit à partir de certaines substances, de certaines matières, de certaines formes d'énergie. On aura un véhicule physique, un véhicule vital, un véhicule astral, un véhicule mental, bon. Puis quelques rares personnes sont lentement en train de se créer un petit bribe de véhicule supramental qui est connu sous le nom de double électrique. Et l'être humain, bon, l'intelligence vient habiter ça. Mais ça ici, il faut que ça puisse vivre, adapté au milieu. Le milieu, c'est l'endroit, donc le chronotope, l'endroit planétaire et le temps, où vit ce corps, où vivent ces corps. Pour être adapté au milieu, il faut qu'il y ait premièrement de l'instinct dans le corps physique pour lui permettre de s'auto-gérer. Il faut qu'il puisse digérer tout seul. Il ne faut pas que vous ayez à contrôler ça, parce que si vous n'êtes même pas dans votre corps, il faut que ça digère ce corps-là. Il faut que ça dorme, il faut que ça baille, il faut que ça respire. Il faut que le cœur batte, il faut que le sang circule, il faut qu'il y ait des mécaniques endocriniennes pour préserver l'intégrité du corps physique en cas d'agression. Il faut qu'il y ait des mécaniques endocriniennes pour détruire lentement le corps physique, pour l'anéantir, pour le tuer. Et il y a des raisons pourquoi le corps, la nature humaine, est l'autodestruction. C'est pour expulser l'ego. Bon, mais en tout cas. Et il y a aussi des lois au niveau du plan vital, il y a des lois au niveau du plan astral. L'ego là-dedans, ici, c'est le stimulateur du véhicule terrestre. Avant que l'intelligence arrive là-dedans, l'ego va le stimuler, l'ego va l'envoyer se battre, va l'envoyer faire des petits, va l'envoyer tuer des petits, va l'envoyer plein de choses. Et lentement, l'intelligence vient embarquer là-dedans, ici. Quand l'intelligence rentre dans ce véhicule-là, l'intelligence n'a pas de place. Et la façon de prendre la place dans le véhicule, c'est de changer le véhicule. La façon de changer le véhicule, au départ, c'est par le plan mental. Intelligence, esprit sain, plan supramental, même chose. Bon, l'intelligence, lorsqu'elle descend dans le corps physique, elle vient toucher le plan mental. Pour l'individu qui n'a pas un mental suffisamment avancé, qui a un intellect ou qui n'a pas encore d'intellect suffisamment développé, les premières choses qu'une intelligence va faire, ça va juste devenir progressivement lui créer une structure intellectuelle, puis progressivement lui créer une structure mentale. Les structures mentales vont avoir comme fonction de reprogrammer les structures psycho-émotives, donc l'ego, l'âme, etc. Les structures psycho-émotives vont avoir comme travail, une fois qu'ils vont avoir été reprogrammés, de reprogrammer ou de muter le corps vital. Le corps vital, lui, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie intra-atomique, c'est ce qui permet aux atomes d'être là, puis aux atomes de créer des molécules, pour molécules de créer des cellules, puis tout ça de pouvoir croître. Alors, le corps vital va lui muter le corps physique. La mutation s'opère au départ chez l'être qui se conscientise au niveau du plan mental. Et la mutation au niveau du plan mental se fait d'une façon qui est simple, c'est que l'humain a des concepts. Ces concepts-là doivent être changés. Et ça, c'est le gros problème de la mutation. Les concepts mentaux sont engendrés par l'insécurité astrale, donc du corps inférieur, du corps astral, de la psychologie, des désirs, des émotions, de la mémoire. La mémoire, c'est ce qui d'ailleurs va maintenir la vie des concepts. Les concepts, ce sont des choses, ce sont des schémas, ce sont des formes, des structures qui vous servent de filtre et qui vous servent aussi de comparateur, qui vous servent à connaître les choses et à connaître le monde. Ça veut dire que les concepts, tous les blocs conceptuels dans le mental puis dans l'astral, ce sont les mécaniques qui font en sorte qui vont déterminer ce que l'humain, ce que vous autres, là, vous êtes, en tant que véhicule planétaire, en tant que véhicule terrestre. Alors, par exemple, dans les concepts qui vont apparaître, il y a des concepts qui vont être créés par la religion, des concepts qui vont être créés par la morale, par les sociétés, par l'instruction, par l'éducation, par la réincarnation et par l'agencement de tous ces concepts-là en face de la vie. Il y a des personnes qui sont racistes. Un raciste, c'est quelqu'un qui a l'impression que sa race est supérieure aux autres races. C'est juste ça, le racisme. Évidemment, il y a des racistes qui vont penser que les autres races inférieures, selon eux, sont des races dangereuses pour eux, et ils vont s'organiser pour les éliminer. Bon, c'est évident que c'est totalement stupide, ce genre de mécanique, sauf que la façon dont ces schémas, dont ces concepts mentaux sont constitués, ils ne peuvent pas connaître ou analyser le monde autrement qu'à partir de la vision claire pour lui que tu es inférieur à moi, par exemple. C'est pour lui clair. C'est à partir de où, parce que tu as nommé, bon, que la mutation commence par le mental, ensuite ça va l'astral et tout ça, là, jusqu'en bas. Mais il y a une grande période où la mutation, la personne qui a muté, par exemple, juste mentalement, semble un grand menteur. Bon, par exemple, quelqu'un qui est raciste, oui, puis que mentalement, il en arrive à la conclusion qu'il ne faut pas être raciste, puis qu'il proclame à tout le monde qu'il n'est pas raciste, mais tout le reste de lui, sa psychologie, son vital, tout ça est raciste. Donc, on ne peut pas parler d'une mutation à ce moment-là. Oui. Si tu mutes une cellule, puis tu n'as pas muté l'autre cellule, tu as quand même une mutation. Mais il y a des pièges à ça, parce que des fois, il y a personne... Tu ne m'as pas laissé finir. Oui, OK, vas-y. D'accord. La conférence, là, que je t'ai pas laissé finir? Parce que je suis en train de dire. Je vais répondre à tes questions. Donc, la personne va muter. Et la mutation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'au départ, au niveau de ses schémas mentaux ici, ça va changer des choses... Puis ça va faire en sorte que progressivement, il va remettre en question son racisme. Émotivement, comme tu viens de dire, donc astralement, elle va continuer à détester. Elle va continuer à haïr. Elle va peut-être même continuer de temps en temps à se faire, à se faire dominer par la partie astrale. Fait qu'elle va même peut-être même boxer quelqu'un d'autre. Mais il y a une mutation ici qui commence à être opérée. Elle est en train de remettre en question ses concepts de racisme. Et la problématique, c'est que la nature humaine, c'est un avantage, évidemment. Ça protège l'humain contre l'involution, mais ça nuit aussi beaucoup à l'évolution. C'est que l'être humain va avoir toute une série de mécaniques qu'il a appris, qu'il s'est créé, qu'il a réincarné, des mécaniques de protection, des mécaniques pour empêcher les mutations. Et les mutations, qu'elles soient d'ordre physique, qu'elles soient d'ordre biologique, ou qu'elles soient d'ordre psychologique, qu'elles soient d'ordre mental, il y a les mêmes foutues mécaniques, des mécaniques similaires, pour empêcher les mutations. Ça veut dire que le moindrement que ça va commencer au niveau du mental à remettre en question, par exemple, le racisme, automatiquement, le processus de protection va venir contre-muter, C'est-à-dire qu'il va, le schéma ici de perception des races va changer, mais il va changer en faveur du fait que je ne suis plus raciste. Et là, automatiquement, la mentalisation, c'est-à-dire que je vais contre-muter, je vais muter de toute façon, mais je vais essayer de ne pas muter contre la nature humaine, donc je vais essayer de, j'ai des mécaniques qui vont essayer de faire en sorte que ma mutation reste dans les lois prescrites dans ce chronotype, dans ce monde. Et ce qui va arriver, c'est que je vais mentaliser, puis je vais finir par dire, bon, je sacrifie. Mais par exemple, c'est comme quelqu'un qui va dire, moi, je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre les Haïtiens, d'ailleurs, être Haïtien, c'est pas une race. Bon, et puis il est plus raciste. Okay? Bon. Alors là, ici, c'est une contre-mutation, c'est une mentalisation qui va faire en sorte qu'on va essayer d'atténuer au maximum la mutation de son concept des races. Plus l'intelligence va descendre, plus la personne va devoir contre-muter. La première contre-mutation qui va apparaître, ça va être la négation de la contre-mutation et l'acceptation apparente de la mutation. Ça, c'est une mécanique sur laquelle je veux sauter. C'est une mécanique très complexe qui fait en sorte que l'humain, sans arrêt, est obligé de se mentir. Alors, le raciste va dire, non, je ne suis pas raciste. Et si tu le regardes aller, il agit comme un raciste. Et si tu y parles, il est certain qu'il ne l'est plus. Il est obligé de dire qu'il ne l'est pas, parce qu'en disant qu'il ne l'est pas, il atténue le contact avec l'intelligence, ce qui ralentit ou arrête la mutation. Alors que si, pendant qu'il y a un contact avec l'intelligence, il admettait, « Ah ben, je comprends, non, je suis raciste », il se fait rentrer dedans, trois semaines après, il s'est muté. Alors, il y a des mécaniques de pression contre-mutant. Quand le mental va avoir été suffisamment altéré, va avoir suffisamment changé, là, il va y avoir une guerre à l'intérieur, on prend là-bas tous les plans, là, il va y avoir une guerre, ici, une dissonance, entre l'ego, donc entre l'astral de l'humain, et son mental. Alors là, il va y avoir une personne qui ne veut plus être raciste, qui veut serrer la main, par exemple, à un policier, qui ne veut plus être raciste. Puis là, il a beau essayer, puis il ne peut pas, puis il maudit qu'il ne peut pas. Puis là, il dit, oui, mais maudit, si. Tu sais, je ne suis plus raciste. Comment c'est ça que j'ai encore, par exemple, j'ai encore peur des Noirs? Là, ça devient de la xénophobie. C'est une minute variante. Et lentement, donc, il y a 42, ça va se faire sur n'importe quel point. Vous mangez mal, vous mangez mal. Lentement, vous découvrez qu'il faut vous manger mieux. Puis à un moment donné, c'est clair. Puis à un moment donné, bien là, c'est la guerre entre la partie qui continue à manger croche puis l'autre qui te dit « Oui, mais c'est pas correct. » Puis toi, tu disais « Je sais que c'est pas correct. » Tu fais ramasser encore. Et ça ici, cette guerre-là, elle engendre la mutation au niveau du plan astral. OK? La mutation au niveau du plan astral va subir les mêmes protections que le plan mental, avec les mêmes contre-mutations. Et c'est très long. Très, très long. Mais oui. Parce que dans l'astral, c'est encore plus vache, c'est encore plus bœuf, c'est encore plus compliqué. Parce que là-dedans, ici, dans le mental, on joue avec une forme de logistique, avec des choses apparemment logiques. Par contre, ici, on va jouer avec beaucoup plus la mémoire. On va jouer énormément avec l'émotion, énormément avec les désirs amenés en fonction de l'émotion. Ce qui fait que là, c'est pas mal plus compliqué la mutation là-dedans. Et la mutation au niveau du plan astral porte un nom, c'est l'anégoïsation. La mutation du plan astral, c'est la dilution, la dissolution progressive de l'ego. Puis, à un moment donné, une âme pure, c'est un individu qui n'a plus d'ego. Et là, il y a une mécanique qui va reprendre la place de l'ego, qui est basée sur l'intelligence. Quand on regarde la mutation, ce que tu décris, là, c'est bon, ça se fait pas comme le mental, une fois que le mental est fini, on passe à l'astral. Ça se oh juste... non. L'astral essaie de planter le mental. Le mental essaie de corriger l'astral pour que l'astral cesse de planter le mental. Puis, le mental est content qu'il y ait des contre-mutations. Puis l'intelligence, la conscientisation chez l'humain vient altérer ça un petit peu. Et ça peut même se faire aussi en même temps que ça sur le plan vital physique. Ah, absolument. Mais c'est ça d'ailleurs qui rend plusieurs conscientisés malades quand ça serait en plan vital. Qui rend plusieurs conscientisés malades, c'est souvent l'une des lois de la nature humaine, celle par exemple de la misère et de la souffrance, etc. Mais qui va réagir, puis aussi les contre-mesures, les protections du véhicule. L'être humain n'est absolument pas bâti pour être heureux. Il fuit au maximum toute possibilité de bonheur. Pas de la conscience, bien là, il est au bout de bonheur. Mais son comportement dans la vie va faire en sorte qu'il fuit. Alors, il y a des individus, à un moment donné, qui commencent à être juste un petit peu trop blancs dans le mental ou dans l'ego, qui commencent à accéder un petit peu trop au bonheur. Puis normalement, l'une des choses que la nature humaine va mettre en branle va être la maladie. Dans un corps malade, l'intelligence reste moins. L'intelligence ne demeure pas dans un corps malade. Alors, encore une fois, c'est une autre expression de la nature humaine à rechercher finalement le bonheur, la paix. et à s'organiser toujours pour s'autodétruire. Alors, je connais même une personne, entre autres, aujourd'hui, qui est possédée. Mais c'est rare, parce qu'à travers mes expériences de quelques milliers d'années, c'est la première fois que je vois une personne qui est possédée par quelque chose de blanc. Et le corps est malade, les médecins ne peuvent rien faire. À chaque fois qu'on lui donne quelque chose pour le remonter, ça fait toujours l'effet inverse. Assez que quand il prend du poison, il se sent en forme, mais quand il prend des choses bonnes pour la santé, ou bien non, même des médicaments tonifiants, ça te plante. On lui donne une injection d'adrénaline, puis il tombe amorti comme si on lui avait donné d'autres choses. Bon, de l'acétylcholine. On prie plante à l'os. L'adrénaline, là, ça ralentit le cœur chez lui, actuellement. Alors, les médecins, là, ils n'osent plus rien donner. Là, tout le monde est en... Mais il devrait vivre dans le stress. Il vit dans le stress quand il peut, tu sais. Des fois, il n'a pas assez d'énergie pour être stressé. C'est un stress mental qui vit. Ah, ça, oui. Mais il est possédé par quelque chose de blanc. Est-ce que tu veux dire par quoi? Ça le maintient ou c'est... Non, il a vécu quelque chose à un moment donné qui l'a rendu tellement heureux. Toutes ses familles vont commencer à partir de là. À chaque fois qu'il y pense, l'état rempire, il a connu de trop près un état de bonheur. Il y a du monde dans le passé qui a connu ça. Il a fait ça des états d'extase religieuse, etc. Bon, ben lui, c'était pas en méditant, mais c'est une question de bonheur. Et puis, mais toutes les personnes ont planté. Parce que c'est contre nature. Les personnes qui ont connu des extases, à un moment donné, là, ben, ils ont fini martyrs. Tu sais, c'est contre nature. C'est illégal dans le contexte actuel, dans ce chronotopsie sur la planète Terre, c'est ça. D'être heureux. Qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là pouvaient vivre ça? C'est qu'ils n'étaient plus dans leur corps. Ils auraient pu être martyrisés ou n'importe quoi. Ils ne sentaient plus rien. Ça veut dire que la partie heureuse, effectivement, n'était plus là. On parlait d'un mystique. Ouais. Parce que tu le tapais et il ne répondait pas. Tu sais, il n'était pas là. Mais là, tu cognais à la porte bien fort. C'est quoi être possédé par quelque chose de blanc? Être possédé, bien là, pas trop changer de sujet, mais être possédé par quelque chose de blanc, bien, c'est être possédé par... tu as connu le bonheur à un moment donné, puis une partie de paix, de bonheur, il y a un canal qui est branché sur un chronotope de bonheur, là, tu es en train de... Il y a quelque chose chez toi qui est blanc, puis qui est contre ta nature. Ta nature est à la misère, à la souffrance, à la peur. Le combat, la maladie, il y a le résultat du combat entre le blanc qui est là en permanence et la nature. Oui, mais parce que tu touches le blanc, tu as des chances d'être anéanti. Parce que le corps n'est pas fait pour ça. Mm-hmm. L'humain n'est pas fait pour ça. Mais l'humain n'est pas fait pour ça, sauf qu'à un moment donné, vous vous faites tellement achaler les neurones par l'intelligence que vous passez votre temps à mentir. Mais mentir sans le savoir. Ou là, on dit, ben oui, mais moi, je veux vivre la paix. Puis là, ça arrive qu'à un moment donné, il y a des centres de gravité qui commencent à apparaître chez la personne et qui finissent par faire en sorte que... C'est comme ça prend une génétique très puissante, très forte, très solide pour arriver à vivre une anévalisation rapide. Oui, une génétique très puissante ne veut pas dire que tes parents t'ont légué une génétique puissante. Ça veut dire qu'il faut qu'elle puisse s'améliorer. Tu as pu glisser dans un chronotope où ta génétique était plus solide. Mais je dis quand même, parce qu'effectivement, le terme est plus juste quand on dit une génétique qu'un corps. C'est plus clair. Sauf que souvent, les gens pensent que génétique, donc transmis génétiquement. Ça transmet génétiquement, mais ça mute aussi. Et d'après ce que tu décris, la mutation est risquée. Non, la mutation n'est pas risquée pour la simple raison que vous n'avez pas le choix. À un moment donné, là, vous allez en avoir assez ras-le-bol, que vous allez automatiquement entreprendre le processus de mutation. C'est contre votre volonté. Et la majorité des processus de mutation entrepris par l'être humain sont des processus qui l'amènent à souffrir plus, à être plus malheureux, à perdre plus, à se chercher plus, à se poser plus de questions, à avoir plus de réponses qui l'amènent à plein de questions. Et c'est le processus. Et ça mène normalement à l'écœurement. Puis l'écœurement doit mener à l'écœurement de l'écœurement. Il faut être écœuré d'être écœuré à un moment donné. Et puis, après ça, lentement, ben là, l'humain commence à étendre des canaux pour trouver des solutions. Mais normalement, il étend toujours ses foutus canaux dans le passé ou dans son présent immédiat. Mais personne n'a vécu ce que vous vivez, donc les réponses, il n'y en a pas. Alors, on fouille dans une religion, puis les réponses finissent par. On rentre dans l'ésotérisme, puis c'est pas fort. Tu vas aller dans la science, puis à un moment donné, si, bois, le physicien m'a tout expliqué, mais il est alcoolique, il est drogué, il est malheureux, tu sais, il va expliquer des affaires, il n'a pas l'air à comprendre. Et puis, à un moment donné, ben là, l'être humain commence à brancher ses canaux ailleurs, puis il commence à savoir d'informations, mais cette information-là va être récupérée par sa nature à souffrance pour le rendre encore plus en dissonance, le rendre plus misérable, et pour lui faire bien voir qu'il ne l'aura jamais. Ou bien pour l'amener d'un espoir, après ça, le canal va se, la nature va recouper le canal. Fait que là, tout ce que tu avais entrepris dans cet espoir-là, tu ne sais plus rien. Là, on t'en plante un autre. La créativité, les lois d'occupation, les lois contextuelles de l'humain, on vous occupe au maximum pour que vous ayez le moins de temps possible pour comprendre. Mais là, on ne mute pas pendant ce temps-là. Tu mutettes. Parce que là, si on dit que la mutation, c'est un préalable au voyage transtemporel, c'est pas pendant la guerre là, qu'on peut faire le voyage transtemporel. C'est une fois que tout ça, c'est une fois que la mutation est complétée où on peut l'entreprendre avant ça. Bon. Juste avant, oui, oui, je voulais justement une question, là. Une réponse à dire avant. Avant, bon, c'est ça. Je ne sais pas si ça va être la réponse à ma question que je vais poser. C'est que tu dis que, bon, je constate aussi que la nature est contre la mutation. Et de par sa nature, ça ne favorise pas la mutation. Du corps physique à l'opéra mental, l'humain est organisé pour rester stable. Bon, ben c'est ça, mais je ne suis pas certain de ça. En ce qui a trait à ton dessin là, du mental puis de l'astral, donc de l'ego, ça oui, mais pour le vital puis le physique, moi, d'après moi, là, ça suit. La minute où on n'aura plus d'ego, le reste va suivre. D'après moi. Là. Je regarde ça, là, puis je suis pas certain que le physique, lui, il va juste y aller de quel ego va vivre dans son corps. C'est parce que je suis pas convaincu. Pas grave, mais c'est quand même ça qui se passe. Mais les gens sont pas malades. Le pendant... corps physique est sans arrêt plein de cellules en mutation. Ces cellules-là ne mutent pas parce que le corps les a mis en dessus maximum. C'est-tu le corps ou c'est parce qu'il y a un nouveau corps? Le corps les a mis en dessus sans arrêt. Le corps refuse la mutation. Puis quand le corps n'arrive pas à détruire les cellules en mutation, les cancers se développent. OK, présentement, tu es plein d'oncogènes chez toi. Tu es pourri tout le monde au complet. Vous êtes, oh, si vous voyez les gars. Oh. Mais quand tu es en mutation, mais tu es sans arrêt en train de les détruire. Puis quand ton système immunitaire devient trop faible ou altéré de telle ou telle façon, on ne parle pas des mutations radioactives, évidemment, qui là, c'est un autre effet. Mm-hmm. Tu développes des cancers. Mais toi, tu veux dire que nos cellules physiques sont en mutation positive? Non, il y a régulièrement des mutations négatives. Les mutations négatives? Oui. Okay. Les mutations positives, il n'y en a pas. Okay. Puis quand l'humain va muter positivement, l'humain va muter son système neuronique, son système nerveux. C'est intéressant parce que ça fait des années que je parle de la mutation nerveuse, neuronique plutôt, et endocrinienne. Puis, dernièrement, dans des revues scientifiques, je lisais, parce qu'on change de chronotope, n'est-ce pas, on glisse, fait que lentement, on rencontre des chercheurs qui ne comprennent pas, mais qui ont trouvé des choses comme on trouve. Au séminariste, j'ai expliqué souvent que le cerveau, bon, il est constitué de cellules qu'on appelle des neurones. Il y a des relations entre les neurones par des axones, des dendrites, donc des petits fils. Et la question, par exemple, ça va être, c'est très simplifié, 2 plus 2, ça fait quoi? 2 plus 2, ça fait 4. Mais il y a d'autres foutus individus qui sont bâtis comme ça, eux autres. Cling, cling, cling. Ils ont moins de connexion. 2 plus 2, ça fait 4. Suite. Alors, il y en a un autre qui va regarder quelque chose, et 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Puis il y en a 2 plus 2, 2 plus 2, plus 2, 4, plus 2, ça fait 6. L'autre, il regarde ça, lui, poum, cling, 5, poum, 10, tout de suite, c'est clair. Et les scientifiques ont découvert deux choses dans les recherches, deux chercheurs dans deux pays séparés. Moins le cerveau travaille, plus efficace est ta pensée et ton raisonnement. Ça, ils ont fait des expériences communes. Ça a été assez simple. Ils ont analysé avec des tomodensitomètres, des scanners, les cerveaux pendant que les gens jouaient à des jeux, soit des échecs, soit des jeux d'ordinateur. Pour se rendre compte que les plus efficaces, c'est ceux qui brûlent le moins de glucose. Ceux que le cerveau travaille à peu près avec le moins. C'est évident. Moins ton cerveau travaille, plus tu es efficace. Parce question neuronique. C'est moins évident parce que bon, ouais. Non, mais t'es pas fatigué, mais les autres, quand ils travaillent, là, ils n'ont plus d'énergie pour. Non plus. Mais là, ce qui va arriver aussi, bon, OK. Puis au niveau de d'autres phénomènes, ils se sont rendus compte que les contacts neuroniques, donc la quantité de neurones entre un point de départ et un point d'arrivée, ils se sont rendus compte que l'isolation des conducteurs au niveau de la myéline avait une importance, ce qu'on a déjà expliqué là, une dizaine d'années. Et finalement, ils se rendent compte aussi que les cerveaux les plus simples sont les cerveaux les plus efficaces. Mais là, ça veut dire ceci. Ça veut dire que moi, je vous explique un concept. Puis là, il y a des gens qui sont là, puis oups, comme ça s'en va là-dedans, puis ça se promène, puis ça rebondit, puis ça amène quelque chose d'autre. Ces cerveaux-là devront muter. Mais les cerveaux, ça se mute. Une question de conditionnement physique. Conditionnement mental, d'isométrisation mentale, donc il y a des façons de changer le cerveau par des techniques. Et ces techniques-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles forcent le cerveau à un moment donné. Le cerveau est sans arrêt en train de refaire ses structures. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez l'enfant. C'est ce qui se passe tout le temps. Puis normalement, chez les personnes plus âgées, parce qu'ils entrent dans un égrégore, dans un concept, dans un chronotope où ça ne prenne plus trop, mais il y a des personnes âgées qui sont des chercheurs, qui sont des savants, qui sont du monde bien ordinaire, puis ça continue à travailler. Et qu'est-ce qui crée l'expérience au niveau biologique? Ben, c'est justement votre une mutation qui est neuronique, que tous les humains font sans arrêt, où on vient réorchestrer un peu mieux, ce qui fait qu'à un moment donné, tu finis par comprendre. L'informatique, vous ne connaissez rien. Vous n'avez aucun schéma neuronique pour les comprendre. Puis après 2-3 ans, ou 5-10 ans, dépendamment des individus, bien là, vous pensez même comme l'ordinateur. Mais là, vous avez recréé des schémas complètement différents. Au niveau neuronique, il y a des connexions qui se sont faites. Vous avez rationalisé votre affaire. C'est beaucoup plus rapide. Alors, au départ, mutation physique va être neuronique, endocrinienne aussi par la suite, parce que là, bon, c'est très long à expliquer, mais on sait que le système endocrinien, en tout cas, ceux qui ont fait le séminaire, ce que vous entendez, c'est des météorites qui tombent. on sait que le système endocrinien est le vecteur qui exprime l'émotivité, la psychologie, l'astral dans le corps physique, et par rétroaction, il va le lire. Et ça, c'est une mécanique dangereuse qui est essentielle tant qu'il n'y a pas d'intelligence chez l'humain. Mais à un moment donné, votre ego a peur, il va exprimer dans le corps physique. Puis, un, ça use le corps physique, d'où d'ailleurs le fait que l'ego est sans arrêt en train d'exprimer des émotions. Et ça use le corps physique au maximum. Et en plus, ça vient dire à l'ego qui est en train de vivre l'émotion, fait que c'est la peur, l'ego découvre qu'il a peur, l'ego a plus peur, il exprime plus, l'ego le lit, il a plus peur. Juste pour vous donner un petit exemple rapide, là. Ça arrête quand? Je parle de mutation toujours. Ben quand, c'est ça, cette espèce de cercle vicieux-là, l'ego a peur, on l'exprime plus, bon, tout ça, ça prend tout de même du mental pour arrêter. S'il n'y a pas de mental, est-ce que l'individu sauterait? L'individu? S'il n'y a pas de mental, est-ce que l'individu aurait peur à l'infini? Est-ce qu'il... Non, du moment que la partie de l'ego qui se nourrit de la peur est sevrée, fini, la peur s'en va. À moins, évidemment, que le stimulant extérieur demeure. Il va avoir peur, puis ce qui va arriver, c'est que son corps va sécréter des hormones de peur, et après un laps de temps, il va se mettre à sécréter des corticoïdes qui vont, elles, détruire les neurones. Ça, c'est une mécanique de protection. À un moment donné, on va carrément vous détruire le cerveau, vous allez avoir moins peur. Alors, les gens qui vivent des stress chroniques, des stress réguliers, qu'ils soient à la guerre ou qu'ils soient dans des pays toujours problématiques, ces gens-là n'ont pas les mêmes consistances de souffrance parce qu'ils ont des cerveaux qui ont été altérés. Même chose chez les personnes qui sont ici. Puis, lentement, ça peut amener une mauvaise gestion au niveau de la vie, des pressions nerveuses, des pressions ceci, des policiers, des pompiers, sapeurs-pompiers, des médecins, des chirurgiens. Des gens qui sont toujours en train de vivre des possibilités de stress, ils s'anéantissent le cerveau. Et ce qui va arriver, c'est que si la personne est toujours en train de se mettre en mode recherche pendant qu'elle s'anéantit le cerveau, il y a des neurones qui ne servent pas ou qui servent peu, qui vont reprogrammer, remplacer donc celles qui sont anéanties. Mais sinon, lentement, là, on va pouvoir voir une dégénérescence progressive chez les individus qui vivent des stress chroniques. Ce qui est intéressant de constater, c'est que quand vous avez peur, vous êtes capable physiquement de remarquer que vous avez peur. Quand vous êtes heureux ou heureuse, vous êtes capable physiquement de remarquer que c'est du bonheur que vous vivez. Quand vous êtes une bonne émotion, une grosse émotion, qu'est-ce qui arrive? Tachycardie, le cœur accélère. Vous allez avoir des réactions vasomotrices. Bon, vous allez avoir par exemple, vous allez devenir rouge, exemple. Alors, les vaisseaux périphériques se dilatent, on voit le sang, vous allez devenir rouge, rougeur. Vous allez avoir, un paquet de stimuli comme ça. On peut constater physiquement qu'il y a deux sortes d'expressions. Il y en a une qui est plus reliée au bonheur, et c'est des réactions de calme, bradycardie, bon, ralentissement du système cardiaque, etc., des choses comme ça. Puis il y en a une, il y en a deux, seulement deux. Il y en a deux, pourquoi? Parce que l'être humain au niveau nerveux, il réagit selon deux voies. Les voies sympathiques, accélération du corps, les voies parasympathiques,